On va parler avec notre ami Joe Hardy. Salut Joe. Salut, jeune homme. Joe, la nouvelle de la semaine dans la Ligue nationale de hockey, c'est la nouvelle que Seattle devient la 32e équipe dans la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. On sait que Gary Bettman rêvait à Seattle. Et avec tout l'argent qu'il y a à Seattle actuellement, les sièges sociaux, Boeing, que ce soit également Microsoft, Amazon et ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui se passe là-bas, puis c'était normal. Bah, c'est un bon choix, là, puis je pense que tout le monde s'en doutait. C'est sûr que pour les gens qui rêvaient encore d'une équipe à Québec, c'est une claque sur la baboune, mais on savait de là que fallait que ça aille dans l'Ouest parce qu'il n'y avait là, pas le même nombre d'équipes que dans l'Est. Alors, c'est une décision qu'on restait à s'y attendre, là, puis j'écoutais des commentaires hier fin de journée. Écoute, Seattle, là, ils ont eu du bon hockey, ils ont eu du hockey junior, mais moi, j'ai eu l'occasion de jouer dans les séries, dans le temps des Thunderbirds. Mais là, il y a quelqu'un qui a dit qu'il s'appelait les Buckrows dans la Ligue, mais il était dans la Ligue de l'Ouest avant, ouais. ça s'appelait les Totems. Moi, j'ai joué là, dans les séries éliminatoires, ma première année à Oakland. J'avais été blessé, puis il y avait le droit, chaque équipe dans les ligues mineures professionnelles, avait le droit de se prendre un joueur dans la Ligue nationale, n'importe quelle équipe, okay, qui n'avait pas joué ses 60 games. Alors moi, j'étais légal, j'étais éligible, j'aimerais dire. Et puis Seattle avait demandé à Oakland si je voulais y aller. C'est de même que j'ai vu Oakland, pas Oakland, mais Seattle, une belle ville, là. Mm. Puis moi, je te parle en 69, 70, là. Ouais. Mais c'est toute une belle ville, là. Ça va... Non, je pense que ça va marcher, là. Ils ont beaucoup d'argent, comme tu viens de mentionner. Alors, à Québec, il va falloir qu'ils attendent leur tour. Ben, ils vont-tu avoir leur tour? Et la question. Non, moi, je pense que non. Ben non, et la question que je me pose, Joe, je la pose. En fait, j'ai deux questions. Est-ce que Pierre-Carl Pladeau est toujours intéressé aux Nordiques? Ça, c'est une grande question. Et deuxièmement, est-ce qu'on a déjà, sincèrement, là, est-ce qu'on a déjà passé proche? Je suis même pas sûr. Tu sais, je regarde ce que Robert Manfred fait au baseball avec les Expos et ainsi de suite. Il n'arrête pas de parler de Montréal. Gary Bettman n'a jamais parlé de Québec. Jamais, jamais, jamais. Ce qui me fait dire quelque part que peut-être qu'on s'est conté des histoires puis on s'est cru, dans le fond. Ben moi, la première chose que je me pose comme question, est-ce que vraiment on est réellement le potentiel monétaire? Tu sais, je dis pas que Pladeau est pauvre, là. Mais tu sais, là, on regarde les prix que ça va coûter à Seattle, là. Tu sais, on a-tu vraiment 700-800 millions à mettre dans la boîte à Québec? Je ne sais pas. Mais tu sais, tout de même, est-ce que c'est la ville de Québec qui s'est avancée trop vite pour construire un amphithéâtre? Moi, quand je parle de ça, les gens avec qui j'en parle, ils me disent tout, écoute, on avait besoin d'un amphithéâtre, mais c'est cette envergure-là. Mm. Tu sais, si on avait signé une entente avec la Ligue nationale, l'entente que personne ne sait, qu'on aurait dit, bien écoutez, construisez-vous une aréna, on va vous garantir une équipe, on ne l'annoncera pas immédiatement. Mais là, ils construisent un amphithéâtre comme s'il y avait eu le hockey par en arrière de dire allez-y, ça va marcher. Là, c'est ça. Puis il y a un bout qu'on ne comprend pas. Là, comment ça se fait que Québec s'est garoché vide de même? Tu sais que le Québécois a parti TVA Sport qui est déficitaire depuis sa fondation? Non, puis tu sais, en même temps, par contre, je lisais un article à un moment donné, là, je pense que l'année dernière. C'est que Carl Pelado, avec son réseau de télévision, c'était le seul gars qui pouvait embarquer là-dedans. Tu sais, c'est pas toutes les équipes qui ont un réseau de télévision, là. Lui, il a son réseau de télévision. C'est avec ça qu'ils peuvent faire de l'argent. Tu sais, tu me poses des questions que personne n'a la réponse. De toute façon, il nous manque des données, là. Il y a quelque chose qui va pas, là, dans tout ça, là. Effectivement. Mais rappelle-toi que ça a commencé il y a à peu près 10 ans, le retour des Nordiques, potentiellement. C'était Mario Bédard qui avait parti. Avec j'ai ma place, puis on a pensé à ça, puis c'était logique, puis les Coyotes de Phoenix allaient nulle part, puis c'était logique dans le fond là. C'est l'autre chose qu'il faut bien se dire là, c'est pas en méchanceté que je dis ça, mais tu sais, Régis Labeaume a gagné ses élections avec ça là. La première fois qu'il est rentré, pour mettre une équipe dans la Ligue nationale là, tu sais. Puis les jeunes, tu sais, pas des gens de mon âge là, mais peut-être plus de ton âge, des plus jeunes. On crut à ça, puis c'est correct. Puis c'était logique, dans le fond. C'était logique, parce que les Coyotes de Phoenix allaient nulle part. Québec était un marché intéressant. Les Jets déménageaient, les Thrashers déménageaient à Winnipeg. Tout était logique, mais on a oublié de donner. Oui. L'autre chose, c'est qu'il y avait même, moi, j'avais parlé à des gens très près du hockey, très près de la Ligue nationale, qui m'avaient dit qu'ils travaillent sur le dossier de la Caroline pour l'emmener à Québec, parce que la Caroline, c'était l'équipe du futur. Mm. C'est ce qu'on voit, là, peut-être, on était loin de ça, mais tu sais, la Caroline serait à Québec, ils ont une bonne équipe, la Caroline, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais moi, écoute, il y a un de mes chums, lui, qui dit quand ils vont pouvoir avoir une équipe, le sang Vidéotron sera pas à mode, là. Effectivement, peut-être que c'est vrai aussi. On fait quoi, là? Parce qu'un matin, il y a des gens, j'écoutais Dominique Morin, Radio X à Québec, Régent Tremblay qui parle de la KHL à Québec. Soyons sérieux. Moi, je trouverais ça drôle. Je trouverais ça très drôle, même de ça. Juste voir la face à Gary Bettman, mais logiquement parlant, c'est pas pensable. C'est même pas pensable. Même avec une division de la Ligue nord-américaine, tu vois-tu un match à 6 heures le matin entre les Nordiques de Québec et les tracteurs de je sais pas quoi? À 6 heures le matin. C'est pas logique. On dirait que c'est toutes des nouvelles pour exciter les gens. Là. Il y en a qui vont croire à ça, qui vont dire tant qu'à avoir, de pas avoir la Ligue nationale. Non, non. Il y a une ligue présentement dans des villes de la grosseur de Québec et plus. Il y a une ligue, c'est la Ligue nationale. Là. Moi, je veux mentionner une chose. Quand je faisais de la radio tous les jours à ce moment-là, des émissions de Ligue ouverte, quand les Nordiques sont partis, ça a commencé à discuter qu'on aurait une équipe de la Ligue américaine ou une équipe de les Rafales, puis là, tu sais, c'était. Mais les Rafales, c'était dans la Ligue internationale. Moi, j'avais dit, on venait de perdre les Nordiques, là. La meilleure façon de procéder pour faire du hockey à Québec, pour avoir du plaisir, pour les moyens qu'on a, c'est une équipe junior. Mm. Quand on a eu les Rafales, j'ai dit, c'est la pire ligue qu'on pouvait choisir. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu joues au hockey, là, tu veux monter, puis alors que la Ligue internationale, les gars avaient moins de chances de monter que la Ligue américaine. La Ligue américaine, c'est des équipes écoles, tu sais, puis là, c'est ça que les gars faisaient qu'ils voulaient monter. Mais je dis, en même temps, quand tu as une équipe école, c'est que tu as acheté un billet pour aller voir jouer Simon Tremblay, on va dire, puis t'arrives à la game, il vient d'être appelé. Mm. Il n'est pas là. Fait que c'est une erreur majeure. Assez que la direction des Rafales à ce moment-là, il y en a qui avaient essayé de me faire perdre ma job à CHRC. Là. Mm-hmm. Je disais aux gens de ne pas aller au hockey quasiment, puis c'était pas ça partout, parce que je mentionnais à ce moment-là que Portland, Seattle, dans la Ligue de junior de l'Ouest, il y avait plus de monde qu'au hockey de la Ligue américaine dans ce temps-là, eux autres, dans le junior. Fait que, c'est pas gênant d'être dans la Ligue junior majeure du Québec. Là. Ben, coudonc, si tu veux. T'sais, quand tu peux juste avoir ça, là. C'est juste qu'on a peut-être un dôme, peut-être qu'on s'est construit quelque chose qui est 400 millions, que les gens se posent des questions. C'est sûr. Puis en même temps, ben on a un bel amphithéâtre, c'est des spectacles, mais des spectacles, là, t'auras pas Céline Dion tous les 15 jours. Là, non. Pour la Ligue nationale, il reste quoi? Moi, je te dis que... tu vois-tu une Ligue à 34-36 équipes éventuellement? Ça va être dur. Moi, j'ai peur de ça, parce que là, tu sais, puis je voyais ce matin, là, en passant, c'est une des rares journées que je me suis levé le matin, ça fait 10 ans dehors des ondes, j'avais été malade. Ouais. Mais je lisais ce matin que, là, Seattle n'auront pas les mêmes facilités que Vegas, non. Là. Tu sais, je comprends pas qu'ils aient payé ce prix-là, si c'est pour être ça, là, ils vont ramasser quoi? Oui, au niveau des joueurs, mais la chose la plus drôle, c'est que Vegas, eux autres, ils n'auront pas assez à donner de joueurs. Ouais. Je comprends pas, là. Mais par contre, ils n'auront pas donné de joueurs. Par contre, je pense qu'ils ne recevront pas le montant d'argent non plus. Non, ça c'est correct. Ils n'auront pas besoin du montant d'argent. Ils n'auront pas le montant d'argent. Mais tu sais, c'est une drôle de façon. Mm. Parce que moi, j'étais convaincu que Seattle aurait les mêmes droits que Vegas pour le repêchage des joueurs. Mais parce que, tu sais, là, à Vegas, quand tu analyses ça comme faux, je le faisais avec un dépisteur, c'est que Vegas, là, ils n'ont pas. Dans leur équipe, ils n'ont pas de joueurs de 10, 11, 12. Là, c'est tous des joueurs de 4, 5, 6, là, des quatrième, troisième trio, deuxième trio et demi. Fait qu'ils ont une bonne équipe là, quand tu regardes ça au total. Là. Mm. Fait que c'est ça. Il y a plus de racines de hockey qu'à Vegas. Mais à quelque part, quand on regarde ça froidement, là, malheureusement, moi, en tout cas, c'est mon opinion à moi. Je pense pas que Québec, moi, je le verrai pas d'après moi. Là. Non, ton vivant. Tu sais, KHL, là, oublions ça, là. Ça fait pas sérieux, là. C'est pas comme la Ligue mondiale. Ça, la Ligue mondiale, c'est toutes des équipes que tout le monde connaissait, des régions que tout le monde connaissait. Hartford, c'est Chicago, Cleveland, Là, c'est plus ça, là. Écoute bien, t'es rendu à l'autre bout du monde. T'es rendu en Chine avec un oui. avec un match entre les Nordiques de Québec et les Tracteurs de Pékin. Ah oui, man. Oui. J'aimerais ça, je trouverais ça drôle. Ce serait drôle pour Gary, pour faire un beau doigt d'honneur à Gary Bettman. Mais tu sais, soyons sérieux, là. À 6 h le matin, y a-t-il un diffuseur pas juste. Ouais. Pas juste ça, là. Tu sais, une ville, mettons, comme Québec, on a eu une équipe dans la Ligue nationale. Les gens ont été gâtés. Mm. Tu peux pas les emmener, puis c'est un peu à revenir à ce que je disais dans le temps des Rafales. Tu peux pas partir de la Ligue nationale puis dire on va emmener une équipe comme les Rafales, oui. mettons. Là, alors que Junior, tu dis garde, on était dans la grosse ligue, on n'a plus d'équipe, on n'a pas les moyens, puis on va faire du beau hockey avec l'hockey junior majeur. Puis la preuve, c'est que quand les remparts sont arrivés au Colisée à ce moment-là, la bâtisse était pleine, là, à tous les matchs. 10, 12, 13 000. C'est le monde, il disait, ce qu'on peut avoir, c'est ce qu'on va avoir. Mais ce que je pense que, Joe, tu me corriges, je me trompe, si ce serait pas la question du voyagement, du décalage horaire très fort, tu mets 75 à 80 % de Québécois dans l'équipe, puis je pense que ça pourrait marcher. Ben, je dis pas qu'il n'y aura pas de monde, mais tu sais. T'sais, tu mets David Desharnais, tu mets après ça, tu mets un. Ben là, Parenteau est parti, là. Simon Després, tu mets un. Ouais, mais Maxime Talbot, toi, Danny, tu mets. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Danny, là. Mais ça, c'est si ça se fait demain matin. Si ça se fait dans 2-3 ans, ces Québécois-là sont tous bien. Non, je sais, mais c'est un exemple que je donne, là. Non, mais je dis ça, là. Tu sais, c'est quelque part. Tu sais, faire une ligue compétitive, là. Ça prend des bons joueurs de hockey parce que la KHL, c'est pas une ligue de raisin, là. Non, c'est une bonne ligue de hockey, là. C'est entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Plus proche de la Ligue nationale que la Ligue américaine, d'après ouais, moi. Ouais. Hey Joe, mais je reviens sur les villes. Est-ce que tu penses que Kansas City, moi je pense qu'il y a des villes quand même qui. C'est pas fini là. Je pense que c'est un secret professionnel que Houston, c'est probablement Arizona qui va déménager là. Mais il reste des villes quand même. Puis ça, je vais poser la question à Jeff Baker demain. Tu connais Jeff Baker de Seattle Times. Tu connais le nord-ouest des États-Unis. Il y a une ville comme Portland également. C'est parce qu'il créerait de la rivalité. Ouais. C'est Portland, Seattle, Vancouver. Effectivement. Mais en même temps, là, ils sont morts de rire. Pour l'instant, ils vont être ses breaks. Ils vont partir avec Seattle. Ouais. Puis ils vont voir comment ça va aller. Et puis, mais tu sais, comme ils disent en anglais, sky is the limit, là. Ouais, ouais. Tu sais, mais il y a un affect qui peut les affecter, là. S'il y a un lockout, là, dans l'Union nationale, là, ça, tantôt, là, ouf. Mm, mm. Tu sais, ça s'en vient, ça, là. Mm, effectivement. Ça fait que ça peut déranger un petit peu, ça. Ouais. Joe, tu m'avais demandé de pas être trop longtemps que toi. Ah, non, c'est correct, là. Je suis décollé, là. Mais je voulais juste te dire, Danny, puis te faire fâcher un petit peu. Ouais. Quand tu me vois venir, peut-être, là. Ben, Canadien. Quand tu sais, non, pas le Canadien, l'équipe école. Quand je t'avais dit, écoute, Lefebvre, tout le monde le blâme. J'ai parlé à quelqu'un récemment. Oh, pas bien que Bouchard, là. Ça commence déjà à gronder. Ils sont derniers dans leur conférence. Tu sais, là, c'est pas des enfants là-bas, là. Quand. Quand Joël Bouchard a eu la moitié de la chance que Sylvain Lefebvre a eu, je vais commencer à parler. Ah, non, ça, je comprends. Mais je t'ai dit pourquoi la chance. Hein. C'est un bon chum à Bergevin, là. Tu sais, ils sont bien chums ensemble, là. Mais moi, ce que je te dis, c'est que le repêchage, tu regardes les deux derniers repêchages, les bons prospects du Canadien, ils sont pas à Laval, ils sont des juniors actuellement. Ouais, ça, on va attendre. Ça, c'est Montréal qui nous dit ça. Là. Ouais, ben, je c'est regarde. Les bons prospects. Il y en a un paquet de bons prospects quand tu regardes ça. C'est même au moment où on se parle. M'a dit qu'il regarde aller Tachouk, là, puis il s'aperçoit que c'est pas un mauvais joueur d'hockey. Non. Mais c'est tout du long terme, là. Le problème que le Canadien a actuellement pour la reconstruction, qui veulent pas appeler ça reconstruction, c'est que ils n'ont pas eu la chance, admettons, de repêcher comme Toronto a fait avec des Marner puis des Matthews, tu sais. Qu'on le veuille ou non, là, moi, quand Kanemi, là, je l'enverrais peut-être dans le junior ou dans les mineurs, tu sais. Le gars, faut qu'il joue, faut qu'il soit un star quelque part, là, tu sais. C'est pas un star, là. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, tu l'utilises dans un endroit, écoute, ça peut être le Rocket, ça peut être une équipe junior, pour qu'il soit une vedette. Tu sais, que lui, dans sa tête, il se dit, hey, là, je suis prêt. Parce que là, il peut pas se penser prêt, même s'il fait voir qu'il y a rien qui le dérange. Tu sais, j'ai passé par là, tu sais. C'est pas facile ce qu'il vit, là. Il a beau dire ce qu'il voudra, c'est pas facile. Puis l'équipe va plus ou moins bien. Tu sais, une soirée, ça va, le lendemain, ça va pas. Alors, moi, je pense que s'il l'avait envoyé dans les mineurs avec Bouchard à Laval ou au junior, je sais pas où, ou à son équipe junior en Finlande, Mais là, tu sais, le gars, il va être un star. Tu sais, il va être le meilleur de la gang. Alors que là, il regarde Alissa, puis il doit trouver ça assez fort. Hein. C'est un peu comme Suzuki. Moi, je pense que Suzuki va peut-être surprendre l'année prochaine. C'est un bon joueur de hockey, puis déjà, il va jouer pour l'équipe canadienne junior, je croirais. Oui, mais dans cette académie, je commencerai par l'envoyer au championnat du monde de hockey junior pour la fin. Moi, je pense que oui. Moi, je suis très d'accord avec ça, parce que... Je commencerai par ça, Ron Fournier m'avait appelé, puis j'avais dit, écoute, réticent, moi, de le garder à Montréal. Il dit, je vais te rappeler dans le 15e, ça va voir. Tu sais, le nombre de points pour un joueur de hockey, c'est important. Tu sais, c'est pas juste de faire des beaux jeux, là, tu sais, puis il n'y a pas beaucoup de points. Il joue assez souvent, il prenait des punitions stupides. Oui, il apprend la grosse ligue, mais il est comme, je dirais, le Saint Méchant, nobody dans cette équipe-là, là, tu sais, pour l'instant, là. T'sais, c'est pas un Matthew, c'est pas un McDavid. Tu sais, il veut dire, quelque part, vous donnez la chance de se faire valoir, quelque part, tout le monde dise, hey, lui, là, quand il va jouer à Montréal, ça va être un star. Par contre, je te dirais que il y a deux côtés à ça. Rappelle-toi de la première saison de Joe Thornton. Rappelle-toi de la première saison de Vincent Lecavalier à Tampa, à Joe Thornton. C'était pas vraiment extraordinaire, là. Non. Je suis très d'accord avec toi. Puis rappelle-toi aussi, mais par contre, je te dirais, rappelle-toi, nous autres, on l'a connu avec les Saguenayens et Marc Bouchard. Je pense que Pierre-Marc, c'est sûr, OK, il y a eu les commotions cérébrales. Mais ce que je veux dire, c'est que probablement qu'une année de plus avec les Saguenayens, ça aurait été bénéfique pour lui. Moi, je crois à ça. Là. Tu sais, par en même temps, ben, le kid, là, il est content. C'est sûr que c'était une claque sur la babonne quand t'es descendu dans le junior, t'as joué dans les nationales. Tu sais, tu vois comment ça marche, puis tu te dis, hey, là, j'étais capable de jouer là-dedans, moi, là. Fait que là, tu deviens une vedette, une plus grosse vedette où ce que tu vas jouer. Mm. Que quand tu vas revenir, tout le monde va voir que tu as appris des choses, même si c'était junior, là. Tu sais, que t'es un plus un leader. Là, on sait pas quelle sorte de gars que c'est dans le vestiaire non plus. T'sais, le gars, il peut pas être le leader à 18 ans, cette équipe-là. Un McDavid peut l'être, un chose Matthews à Toronto, tu sais. Gars Marner, là. Regarde-le aller, là. Il joue comme un gars qui fait 5 ans qu'il est dans la ligue, là. Ouais, effectivement. Joe, très, très intéressant. Ça me fait bon anniversaire en passant. Déjà, Déjà 35 ans. C'est ouais, US, hein, très US. US en double. Je te dirais même Rube, Mexicain, du Mexique. C'est-tu Rube? Ouais, tant qu'à ça. Ouais. C'est-tu Rube, le Mexique? Oui. Je pense que oui, ouais. Oui, c'est le Rube, Mexicain. Joe, on s'en parle bientôt. Hey, on s'en parle de bien gentil. Joyeuse fête, on s'en parle pas avant. Joe, merci.